Yavisa Swedilumbat. You see some of who took a one who sees some Mandy Magan. Oh, you are. Banga some Manga Samadi Baka, Gilomia, Mulanza Nadi Rubu, Majaji Garini, Gilomia, Himaga, Himaga, the Yoni Pool, Gilomia, Mahutu Rundi, the Yubu Batamudi, Gilomia, Ukamba Dibi, Nicole Yafu, Gilomia, Okusa Kunekra Makimabe, Gilomia, Ranyanza Musiru, Manyanza Tai, Gilomia. Californie ici là. Oh là là. Alors j'ai des frères africains ici en Californie. C'est grave ça. Oui, je suis à Orange County. Orange County, c'est là où je suis. J'ai été invité là. Alors je viens répondre à une question. Je vais vous faire écouter la question. Ça m'a fait couler les larmes. Bon, mon équipe, ils m'ont dit non, non, non, ils ne vont pas me mettre la pression comme ça parce que apparemment, ils veulent d'abord manger quelque chose avant qu'on ne parte. Donc, j'ai encore au moins 20 minutes, pas de problème. Je leur ai imposé un peu. Je dis non, il faut que je réponde. Je profite un peu de mon petit temps libre pour pouvoir répondre à certaines questions. Donc, il y a quelqu'un qui a posé une question très pertinente. Hein. C'est par rapport à ce que je suis en train de faire depuis un bon moment. Et j'avoue que j'ai été touché. Victor, vous êtes ici en Californie? Ok, ben, je vais vous donner mon contact. Là, j'ai pour quelques jours là, avant de pouvoir retourner dans l'état de l'Ohio. Where am I? Ok, pardonnez-moi, je suis en train de chercher la question. Je vais vous faire écouter la question du monsieur. Vous verrez que vraiment, beaucoup de gens sont surpris parce que des gens me découvrent maintenant là, alors que ça fait longtemps là que je suis dans les réseaux. Vous allez écouter là. Bonjour maître. Moi je m'appelle Pierre, je suis comme David au Gabon. Je vous ai connu c'est parce que en fait, en naviguant les. Pardonnez-moi. Bonjour maître. Moi je m'appelle Pierre, je suis comme David au Gabon. Je vous ai connu c'est parce que en fait, en naviguant n'importe quoi sur Facebook, j'ai fini par tomber dans une de vos émissions. C'était à cause du tic sur la vidéo que vous avez faite concernant le bois sacré. La vidéo qui est intitulée pourquoi pourquoi y a-t-il souvent des morts au niveau de l'initiation pour l'initiation du bois sacré. C'était ça, c'est à partir de cela comment que je vous ai connu. Donc j'ai cherché un peu plus loin, j'ai trouvé encore mille de mon vidéo que vous avez parfait. Mille, c'est juste un chiffre. Et cela, c'est pour dire plusieurs vidéos que vous avez faites. Certains se sont rendus compte en fait. Donc nous avons un être caché comme ça, mais où se trouve-t-il? Et c'est toujours dans ces vidéos-là que je me suis rendu compte que vous n'êtes pas avec nous ici au Gabon. Mais je répète, vraiment, ce sont les gens de maître comme vous dont nous avons, dont les abonnés vraiment ont besoin. Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis en train de pleurer, vraiment. C'est vrai, je suis en train de vous suivre, mais quand je suis à un moment donné, ça me dégoûte. Pourquoi? C'est parce que vraiment, j'ai besoin de votre chaleur. Vous n'êtes pas avec nous ici au Gabon, vraiment. Pour voyager dans les pays étrangers, c'est pas n'importe qui. Il faut être gentil, il faut avoir des moyens. Aux États-Unis là-bas et autres. Et même dans vos enseignements et autres. Des commandes qu'il faut. Bon, plusieurs personnes, pour quelqu'un comme moi, vraiment, je préfère quand on est sur place, oui, c'est mieux. Mais à distance, vraiment, ça ne passe pas. Au moins, votre aura peut encore agir sur nous quand vous êtes à côté, quand nous sommes à côté de vous. En fait, moi, c'est dans ce sens. Vraiment, je pleure, je regrette. Mais maintenant, ici, je ne sais pas si je suis le seul à vous connaître dans les réseaux sociaux, mais je sais qu'il y a, il y a aussi d'autres personnes. Voilà pourquoi je vous avais posé la question la fois passée. Que, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un représentant ici, en fait, qui vous connaît très bien, avec qui vous êtes en liaison, et que nous, qui sommes ici, par exemple, au Gabon, nous pouvons quand même vraiment approcher ce type-là pour que nous soyons moins inconnus, peut-être un peu plus directs. Parce que quand nous sommes parqués, on ne sait pas qui est, écoute, nous sommes un peu vraiment. Moi, je vois que non, là, vraiment, s'il y a des gens qui vous connaissent ici, au Gabon, chacun est là, chacun est là, dans l'autre, l'autre, les autres sont en gentil, les autres sont en Malinette, les autres sont en Franceville, les autres sont en Ouyam, les autres sont en Moula, les autres sont en Libreville, mais on ne sait pas, mais il faut quand même vraiment quelque chose qui puisse vraiment nous rassembler, nous regrouper. Pendant que vous n'êtes pas avec nous ici, je ne sais pas. Il faut un centre de regroupement. En fait, c'est ça, c'est ce que je veux. Hein? Mais c'est à l'issue de cela qu'on peut nous mettre des. Mais non, moi, si je veux continuer à quelque chose maintenant pour le non, il faut acheter. Mais je ne sais pas. Seul, je ne peux pas. Seul, je ne peux pas. Je peux quand même donner peut-être bon, 30 000 ou 50 000, mais avec qui? Mais là, c'est qui? Je connais qui? Je vais appeler qui pour dire qu'on écoute entendre, je vais contacter qui? Je n'ai aucun contact. Les éléments qui vous connaissent, ceux qui sont ici. Donc chacun de nous dans son côté, ce n'est que dans les réseaux sociaux, la compte se communique, c'est tout. Voilà, c'est là où est le problème, mec. Vraiment, je vous jure. Merci beaucoup. Quelle était ma contribution ce matin? Merci beaucoup. C'est avec beaucoup d'émotion. Je suis un être humain avant tout. Vous pensez que ça me fait plaisir de venir vivre à des centaines de milliers de kilomètres? Est-ce que je risque d'exagérer si je dis à des millions de kilomètres? Où je suis, par exemple, là où je vous parle, je suis le seul noir. J'étais le seul noir dans l'avion. Les gens me regardaient, là, ils me disaient, là, il va chercher quoi là? Et là où je suis d'ailleurs, les gens qui m'ont invité, hein, la majorité sont des blancs, il n'y a que deux noirs. C'est des gens qui me suivent comme vous sur les réseaux sociaux. Je parle bien des blancs. Et ils ne m'ont pas connu parce que j'ai fréquenté leur milieu maçonnique. Non, non, non. Ils ont eu mes nouvelles à travers certains frères blancs pour qui j'ai fait des travaux spirituels, pour qui j'ai fait des consultations. Ça ne me fait pas plaisir de vivre loin de mon pays. Je suis né au Gabon. Je suis fier d'être Gabonais. Peut-être que c'est seulement à travers ceci qu'on m'avait connu. Mais ce qui m'a fait connaître au public africain, et particulièrement au public gabonais, c'était à cause de mon engagement dans la politique. Peut-être que c'était une erreur pour moi de rentrer dans cette affaire de la politique. Et j'ai été mal étiqueté le fait que j'ai revendiqué un droit. J'ai été mal compris. Mais heureusement, il y a certaines personnes qui sont du régime que j'ai combattu. Et je continue à combattre. Quand je parle de continuer à combattre ce régime, je ne dis pas que je vais soulever les armes ou bien je vais leur manquer du respect ou les insulter. J'arrêterai de les combattre lorsque certaines revendications que peut-être d'autres Gabonais partagent. La première revendication que j'ai toujours réclamée dans mon pays, le Gabon, je tiens à vous informer, pour ceux qui me connaissent peut-être pour la première fois, que j'ai occupé de bonnes fonctions au Gabon. J'ai occupé de bons boulots. J'ai gagné mieux ma vie qu'ici. Et d'ailleurs, je vous informe que le boulot, mon dernier boulot que j'ai eu, à la chaîne, sans pourtant vanter ma vie, j'ai quand même laissé au moins deux maisons au Gabon. Je gagnais bien ma vie. Je n'avais pas moins de 2 millions par mois. Je parle bien de 2 millions de francs CFA. Je n'avais pas moins de cet argent. Et avec cet argent, je ne payais pas de loyer comme je le fais aux États-Unis. Ici, je paye des loyers, je paye ceci, cela. Bref, beaucoup m'ont connu à travers mon combat politique, comme je le disais. Mais beaucoup ont pensé également que j'abandonne le combat politique. Le combat politique est un combat idéologique, un combat d'idées, quoi. Bon, peut-être que mes idées ne cadrent pas avec le régime en place. J'ai dû dire, bon, écoutez, je ne veux pas être... Il est vrai que je peux être un élu du peuple. Et vous avez sûrement suivi ma dernière vidéo où je dis, je peux être élu président de la République. Pourquoi pas? J'ai les moyens. Et quand je parle comme ça, les gens pensent que je rigole. Un combat politique, on se prépare. Mais j'ai compris que ce n'est peut-être pas le bon combat. Je soutiendrai ceux qui ont les mêmes idées que je, c'est-à-dire le constat de ce qui se passe au Gabon. Et quand j'entends des frères, celui-ci, j'ai pris sa voix pour la faire publier, mais je vous signale qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent. Beaucoup de gens, y compris ceux du régime en place, qui m'ont même garanti que je n'ai aucun problème avec le régime. Et c'est vrai, moi, ils me connaissent. Moi, je n'ai insulté personne. Je n'ai jamais manqué du respect à qui que ce soit. Je suis dans un pays qui, politiquement... Ah, merci beaucoup. Je suis dans un pays qui, politiquement, m'a accepté. Je me suis engagé dans certains trucs. Bref, je ne vais pas trop parler de ça. Donc, le Gabon, c'est mon pays. Je suis fier d'être Gabon. Je suis né au Gabon. Certes, j'ai multiples nationalités, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai la nationalité française également, de par mon grand-père, qui était citoyen français, donc j'ai revendiqué. Et j'ai mon passeport français. Je suis également citoyen américain. J'ai passé des tests, j'ai pris des examens. Je dis, bon, je choisis la nationalité américaine, puisque c'est vous qui m'avez accueilli ici. Par reconnaissance, quand même, vous m'avez tout offert. Au Gabon, j'ai lutté tout seul. La seule chose que l'État gabonais m'a offert, c'est peut-être mes études. L'école primaire, j'ai appris dans une école catholique. Pratiquement, l'école était cadeau, je payais seulement la coopérative. La santé était cadeau, puisque tous les mercredis, je m'en souviens, on nous donnait des comprimés qu'on appelle la Nivaquine, la Flavoquine, pardon. Et je vous amène vers les années 73, jusqu'aux années... 72 jusqu'en 76. Tout était cadeau. Donc c'est ça qui m'a révolté à un moment donné. Je me suis dit, bon, maintenant, pourquoi la vie va devenir dure, chère? Bref, pardonnez-moi. Donc, j'ai été touché d'écouter ce message du frère qui reconnaît quand même, après avoir suivi certaines de mes vidéos, ça et là. Mais comme je le dis, j'ai commencé à me faire connaître au public africain et surtout américain ici. C'est depuis 2004. C'est-à-dire, je suis dans certains réseaux où je parle de la spiritualité négro-africaine, où je parle, en fait, de la culture de l'homme noir, le retour à la culture noire. C'était, en fait, là où j'ai démarré. The return to the source, the return to the motherland. Et c'est un frère haïtien, je crois que j'ai déjà exhibé ce journal, qui est un journal local de l'État de l'Ohio, où ils m'ont fait des interviews. Ils étaient surpris de découvrir mes connaissances. Donc, nous avons un ami haïtien, donc, qui s'appelle Roland, qui est ici depuis les années 1971. Il est aux États-Unis. Il est haïtien d'origine. Donc, il a réussi à créer une chaîne de télévision locale. Et il a créé en ligne également une chaîne de télévision. Donc, c'est comme ça, du moins, j'ai commencé à me faire connaître. Et nous avons pas moins de 700 000 abonnés, américains, haïtiens, la majorité c'est des haïtiens, où je fais passer des connaissances sur la culture noire. Mais à partir de 2005, j'ai créé une petite chaîne à mon nom propre, Guy Onouvier. Et vous verrez même ces vidéos-là circulent, là où je parle du mélange des mélanges. C'était ma première expérience quand je parle du mélange des mélanges. Pourquoi? Parce que de 1999, quand je suis rentré dans les loges maçonniques américaines, jusqu'en 2005, ça faisait déjà un certain nombre d'années où j'ai décidé de parler du mélange des mélanges. Je parlais du danger des mélanges. Bref, en 2015-2016, j'ai été contacté par des frères gabonais qui m'ont connu lorsque j'étais élu un ancien élu du peuple dans la commune de Gamba. J'ai occupé les fonctions cumulées avec mon boulot de Shell Gabon. Je travaillais à la Shell, mais en même temps, j'étais élu local de la mairie de Gamba. Vous pouvez vous renseigner. Donc, j'étais élu local, veut dire conseiller municipal. Et j'ai passé quelques mois comme troisième adjointe au maire de la mairie de Gamba. Quand je dis quelques mois, parce qu'en février, la direction du parti de Pierre Mambondo avait décidé de nous faire sortir du collège des maires, comme quoi nous soupçonnant d'avoir signé des pactes avec le PDG. Bref, j'en parle de ça, mais je vous signale que c'est faux, parce que il y a eu des ententes, des accords, parce que on avait la majorité. Bref, ceux qui m'ont connu comme ancien élu du peuple, qui ont reconnu mes valeurs politiques, ils ont dit, monsieur Onouvier, on a besoin de vous pour ce combat politique. Donc je me suis engagé, j'étais contacté et ouvertement, je m'étais engagé à soutenir monsieur Jean Ping. Et 2016, vous savez ce qui se passa, j'ai commencé à parler. 2017, 2018, j'ai constaté que le pouvoir que nous avons donné à monsieur Jean Ping n'a pas été... C'était pas le camp, on ne lui a pas donné. Bref, nous connaissons, c'est M. Ali Bongo qui est le président, qu'on le veuille ou non. Donc, les institutions de la République l'ont mis, l'ont accepté. Mais, je continue à bouder et je continue à mener mon combat. M. Ali, j'ai du respect pour lui, qu'il soit là ou pas. Moi, pour moi, je dis, bon, je continue mon combat. Mon combat, c'est un combat d'idées. C'est-à-dire que pour moi, je ne suis pas satisfait que, je le répète, je ne serai pas moi à me retrouver ici. Et je vous signale que je ne suis pas malheureux, hein, je vis bien. Si je vous dis cette chambre VIP, combien ça coûte par la, combien ça coûte la nuit, vous n'allez pas me croire. Ce n'est pas moins de $500 la nuit. Et ce n'est pas moi qui paye. J'ai un véhicule décapotable qu'on m'a loué. On a mis tout à ma disposition. Parce que c'est des gens qui reconnaissent ma valeur. Je ne peux pas vous dire tout ce qu'on m'a offert ici. Bref, il y a des gens qui reconnaissent les valeurs des autres. Mais mon pays, malheureusement, n'a pas reconnu cela. Ce n'est pas grave. Maintenant, c'est quelque chose que je cachais. Depuis 1974, je cachais cela en moi. Et c'est ce qui fait de moi ce que je suis, c'est-à-dire le côté spirituel. De 1974, mon grand-père m'a lancé là-dessus. Et c'est en 1978 que je me rends compte que, en fait, c'est ça mes assises. Et cela explique le succès que j'ai eu dans le monde politique, dans le monde des affaires, et le succès que je continue à avoir autour de moi, dans des milieux dont je ne peux pas vous en dire, la liste est très longue, où je suis reçu comme un prince, comme un président. Et quand je dis aux gens, j'ai tous les moyens pour pouvoir, un jour, si je veux bien le faire, si je me présente candidat aux élections présidentielles de la République gabonaise, là, c'est vrai, ils ont dit que ceux qui sont à l'étranger, ils doivent être résidents au minimum 6 mois. Je peux décider de partir dès maintenant, alors je vous parle. Les gens là qui me soutiennent, là, ils peuvent tout de suite me dire, va. Je vais m'asseoir au Gabon et je commence à faire ma campagne. Nous sommes en 2021, je peux faire ma campagne jusqu'à fin 2022 et être prêt pour 2023. Rien n'est impossible, j'ai les moyens, je peux faire le tour de tout le Gabon. Je connais déjà. Monsieur Ping nous a montré le chemin. D'accord? Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Jeune homme, vous qui m'avez posé la question, est-ce que, comment on peut créer une représentation au Gabon? J'ai réfléchi à cette question longuement. Mais à un moment donné, j'hésitais. Il a fallu que j'aie l'approbation, ou du moins l'autorisation des autorités gabonaises. Est-ce que je peux rentrer chez moi au Gabon? Ils m'ont dit pourquoi poser la question. Je dis mais parce que je lui ai dit certaines choses concernant le régime. Est-ce que cela va me valoir d'avoir l'épée de Damoclès sur ma tête? Ils m'ont dit non, monsieur Onouvier. Vous êtes un homme politique peut-être, vous êtes quelqu'un, vous avez fait la politique, vous avez dit ce que vous avez dit, on respecte. Vous n'avez pas manqué de respect vis-à-vis des autorités de la place. J'ai dit ok, merci. Maintenant que je ne parle plus de vos affaires politiques, est-ce que vous pouvez me laisser la liberté de rentrer chez moi? Ils me l'ont certifié. Mais pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un voyage éclipse au Gabon. Certains le savent. Il y a même des vidéos et des photos que j'ai publiées. Mais c'est vrai que je rentrais avec beaucoup la crainte au ventre. Parce que je suis allé loin dans mon Gabon profond. Je suis allé loin, chez moi à Lambaréné. Et personne n'a su cela. Et j'ai la capacité de le faire, de devenir invisible, et personne ne le saura. Ce n'est que certains qui plus tard se rendront compte. Mais tiens, tu étais ici. Mais on t'a vu même à l'aéroport là, comment tu as fait? Bref, comment donc avoir cette représentation au Gabon? Cela est possible, je vais vous expliquer comment. Parce que mon souci, depuis le début, quand j'ai lancé cette affaire de Tata Nzambel le Tout-Puissant, l'objectif c'était d'abord de revaloriser, de protéger notre bois sacré. Et je n'ai pas voulu me représenter au public comme étant un bouddhiste, car dans le bouddhisme, je ne suis qu'un bébé. J'ai été certes initié dans le milieu bouti d'Izumba en 2011. Lors de mon dernier voyage au Gabon, j'ai assisté à l'enterrement et aux obsèques d'un grand frère à Lambaréné. Et c'est là où j'ai profité de faire mon expérience. Donc depuis 2011, je sais ce que c'est le bouété, j'ai mangé le bois sacré. Et c'est à cause de cela que j'ai été inspiré et j'ai fait mes recherches ici aux États-Unis dans des grandes bibliothèque, également avec quelques universitaires que j'ai contactés. Et je me suis rendu compte que le bois sacré, qui est vraiment négligé, ici, aux États-Unis, à New York, il existe un temple du bouété, qui est sous les commandes des frères blancs. Waouh! Eh oui! Et puis voilà, eux, ils revalorisent le bouété, ils revalorisent le bois sacré, et je fais mes recherches, je me rends compte que donc, le bois sacré dont on parle, c'est donc, le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. Rassurez-vous, quand je serai au Gabon, je serai prêt à débattre et à prouver scientifiquement, avec des faits scientifiques, je dis bien, avec des datations, avec des documents et des interprétations par des rabbins qui sont des maîtres mystiques de la Kabbale et de la connaissance des livres saints que les chrétiens aujourd'hui s'en approprient bêtement. Donc ces mecs-là, ce sont eux-mêmes qui m'ont convaincu que l'iboga que vous négligez, c'est ça. Et on a fait des recherches qui le prouvent. Ce n'est pas moi. Le groupe de Poitiers a prouvé scientifiquement que le Gabon est le terroir. Et le Gabon est le centre à partir duquel la création humaine a commencé. Pourquoi vais-je le dire avec arrogance? Ce n'est pas moi, ce n'est pas une arrogance. Poitiers découvre la première cellule vivante qui date de 4 milliards 200 millions d'années. Mais mon Dieu, on n'a jamais vu une chose pareille et on découvre ça dans la zone de Mounana. C'est des fouilles archéologiques qui ont prouvé que le premier signe de vie. Alors qu'en 1985, on découvre au Mali que le premier homme fut créé en Afrique et on découvre. Mais on se rend compte que c'est au Gabon. Bref, on laisse ça debout ailleurs. Je défendais donc la création de cette chaîne que vous suivez, Tata Nzambel le Tout-Puissant Kana. Si vous suivez bien l'introduction, c'est de défendre l'iboga. L'iboga qui se retrouve aux mains des profanes. Et même certains frères initiés qui malheureusement en ont fait mauvais usage. Et je découvre, quand je fais mon voyage à Miami, en Floride, je découvre que là-bas il y a un grand laboratoire qui transforme l'iboga en ibogaïne. Donc se trouve le grand laboratoire qui opère pour transformer notre iboga en vue de soigner les maladies telles que la folie, la maladie telles que l'alcoolisme, la maladie telles que les insomnies, les maladies telles que les addictions de tout type, même l'addiction du sexe et tout, on a trouvé un médicament appelé l'ibogaïne, qui est fait à base de l'iboga. Et l'ibogaïne, c'est quoi? C'est une substance chimique qui fait partie des milliers de substances chimiques qu'on découvre dans la plante de l'iboga. Et cette découverte, c'est en 2015 que je découvre cela ici, à Miami. Je me suis dit, tiens, autant donc faire tout le possible de défendre cette plante, puisque j'ai fait l'expérience en 2011. En 2011, on me montre toutes les initiations que j'ai subies en Inde, au Brésil, et à gauche et à droite. Mes ancêtres se manifestent à moi. Les ancêtres de mes ancêtres, les 47 génies qui travaillent pour mes ancêtres, tous se manifestent et me disent, tu viens nous chercher ici, pourquoi? Tu as déjà subi toutes ces initiations auprès des Blancs, auprès des autres tribus et nations. Et tu as voulu négliger ceci, mais nous sommes venus te confirmer que oui, tu es sur la bonne voie. Bref, je me suis engagé pour dire l'iboga, je dois préserver l'iboga. Et c'est pour cela que j'ai créé la chaîne. Et deuxièmement, j'ai dit des connaissances que mystico-spirituelle que j'ai eue, que j'ai subie, dans près de 27 différents milieux, loges, sociétés secrètes, sociétés magiques, des sorcelleries lucifériennes et tout le reste, je me suis dit, autant donc partager ce qui est beau, ce qui est bon. Je ne partagerai jamais le côté mauvais avec vous, rassurez-vous. Je ne vais pas partager avec vous les connaissances de la cabale noire ou de la magie noire que j'ai héritées auprès de mes amis indiens. Je ne pourrai jamais les donner au public, jamais. Mais je partage avec vous les connaissances qui sont bonnes, qui peuvent vous servir pour votre protection, pour votre élévation. Et c'est ainsi qu'en 2018, lorsque mon combat politique, que je me suis engagé, je me suis rendu compte que, certes, j'ai soutenu quelqu'un, mais il faille donc que je continue à me montrer au public. Au lieu de parler des histoires politiques qui divisent le peuple gabonais, mon message n'était même pas un message de division. Vous pouvez suivre toutes mes vidéos sur la chaîne Kobolo. Hein. Et je vous signale que j'ai des frères gabonais, que même du PDG, du pouvoir, qui me soutiennent, qui me disent vous pouvez vous présenter comme candidat et nous sommes prêts à vous soutenir, monsieur Nouvier. Vous comprenez? Donc, je me suis dit non, je laisse un peu ce côté politique, donc je vais utiliser toutes ces connaissances et les mettre à la portée de mon peuple. Alors, la deuxième raison pour laquelle j'ai créé donc la chaîne YouTube là, c'est pour pouvoir mettre au public mes connaissances. Et vous êtes libre de les accepter ou pas, et je donne le libre choix aux gens de choisir, d'accepter ou de rejeter. Et je travaille même avec mes frères chrétiens qui beaucoup suivent. Ont suivi mes enseignements, ont suivi mes initiations, des pasteurs. Comment cela? À travers le rite intitulé « Comment nous réconcilier ou bien comment nous débarrasser de la femme de nuit ou du mari de nuit qui nous embête ?» Ces pasteurs-là n'arrivaient pas à satisfaire sexuellement leur femme. Ils n'ont jamais voulu me croire. Eux, ils ont pensé que la femme de nuit en question, c'est plutôt le côté démoniaque qu'on appelle succube et incube. Convaincus de toutes ces connaissances, je les ai fait vivre le rite, qui est d'ailleurs ici, et que j'ai puisé auprès du vaudou béninois. C'est un rite que je partage au public. Et ce rite, donc, a permis aux gens, tranquillement, de ranger leur vie. Et aujourd'hui, ces personnes-là sont heureuses. Pasteurs comme non-pasteurs. Bref. Donc, beaucoup m'ont soutenu. Et aujourd'hui, je suis à plus de 5000 abonnés. En moins de 3 ans. Surtout que je ne fais pas une publicité agressive. Surtout que je ne fais pas trop de publicité de ma chaîne. Mais je vous dis, si je faisais cette publicité, je serais déjà à plus de 10 000 ou 20 000. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui me soutiennent. Voilà, il y a une équipe qui est là. Il y a notre administratrice, Karine, qui est là. Malgré ses occupations, elle me soutient. Donc, en 2020, donc il y a un an de cela, en février, je suis invité en France. Janvier, autant pour moi. Je suis allé au Havre. Les gens ont vu, mais tiens, mais donc ce monsieur, ce qu'il dit là, ce n'est pas la blague. Je partageais avec mérite. Je partageais mes connaissances. Et là, j'ai créé donc un bureau, une représentation. Donc, pour répondre à votre question, mon petit frère, comment créer une représentation au Gabon? Donc, en France, nous avons créé une représentation du Baobab. Mais je me rends compte qu'il y a une sœur gabonaise qui a un groupe qu'on appelle le Baobab. Alors, je me suis dit, autant changer ce nom et le mettre Oka. Oka, en gabonais, veut dire « allons-y », en langue ngomienne. Oka. Oka ani, ibiranimbela. Et j'ai mis Oka. Oka sous le Baobab ou Oka, Telegram. Et c'est ainsi que j'ai créé donc des forums. Pas moi, mon administratrice. Je dois beaucoup de respect à cette jeune dame. Et quiconque rentrera dans sa vie, que ce soit un mari ou qui que ce soit, ou partenaire d'affaires, me donnera la liberté à cette dame de toujours être avec moi. Parce que sans elle, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et je vous le dis avec... Pardonnez mes émotions. Parce que sans elle, je n'aurais pas ces forums-là. J'avais posé une question il y a 2 ans. Qui ferait la promotion de ma humble personne? Qui fera cette promotion? Et cette dame, elle m'a invité chez elle. Pardonnez-moi. Elle m'a invité. Elle est ici aux États-Unis. Elle m'a invité dans son état. Je suis allé. Nous avons discuté de tout et de rien. Et voilà comment elle a créé les forums que vous voyez. Et ces forums aujourd'hui ont plus de 2000 membres. Et là, j'ai eu des jeunes qui m'ont soutenu. Des jeunes qui sont très avancés en informatique, dans le monde de la communication et autres, parmi lesquels je n'oublierai pas mon fils. Mon fils, Ashley. Ashley, c'est mon fils. Et c'est lui qui va mettre le robot que vous voyez sur le groupe qu'on appelle Telegram. C'est-à-dire que quand vous postez quelque chose qui n'est pas bon, ce robot rejette tout. Si ne vous présentez pas sous votre identité, ce robot rejette. Voilà, ce fils s'est présenté. Quand je l'appelle fils, parce qu'il a appris avec mon fils propre dans la même école jusqu'à aller à l'université. À Massoukou, ça n'a pas marché, donc il s'est rendu quelque part en Afrique. Je ne vais pas vous dire le pays, je protège l'identité de mon fils. Donc ce jeune est un génie de l'informatique. Il y a un autre, vous verrez ce nom, c'est Bernardo, que j'ai décidé de pouvoir travailler avec, qui je pouvais travailler. Et lui aussi, voilà un jeune intellectuel qui a dit « Papa, on ne vous laissera pas tomber. » Et puis, ils me soutiennent jusqu'à aujourd'hui. Ici, aux États-Unis également, j'ai eu le privilège d'avoir mon propre fils, mon dernier bébé, je l'appelle le dernier bébé, parce que c'est le dernier garçon. Il a 24 ans. Il a fait des études de devenir pilote, et de là, il décide de rentrer dans le monde de l'informatique. Alors lui aussi, il me soutient beaucoup. Et là, j'ai également un groupe de 4 jeunes blancs. Il y a un qui est ingénieur dans, on appelle ça comment, le système de sécurité en informatique. Et l'autre, il est docteur en sciences politiques. Et il y a un autre. Donc, tous ces 4 jeunes blancs, et il y a également une dame. Voilà le groupe qui me soutient dans ce que je fais. Donc, jeune homme, vous qui êtes au Gabon, si la France a créé un groupe pour me soutenir, vous pouvez le faire au Gabon. C'est d'ailleurs l'objectif des forums que j'ai créés. Ces forums ont pour objectif justement afin que, à travers ces forums, par exemple, il y a un forum qui a vu le jour au Canada, et je voulais dire au Maroc. Et là, c'est mon autre fils qui, lui, quand je ne suis pas là, j'ai oublié de le citer, pardonne-moi qu'ils ne m'en veulent pas, je dirais que ça, c'est ma main droite. Jour et nuit, je le dérange, il me dérange. Et c'est lui qui a fait la promotion de ma personne dans le monde politique. Il est le fondateur, l'auteur de la chaîne que vous connaissez, la chaîne Kobolo. Kobolo News, enfin, la chaîne Kobolo, que vous connaissez, donc, qui parle de l'actualité politique du Gabon. Ça, c'est aussi l'un de mes fils. Il me soutient beaucoup. Et lui, avec mon autorisation, il me demanda, est-ce qu'on peut ouvrir un autre groupe encore, des forums au niveau du Maroc? Je lui ai dit oui. Donc, il ouvre ce groupe. Et là-bas encore, je suis suivi. Donc, nous avons au total 4 forums. Et de ces 4 forums, je vous dis, il y a des milliers de personnes qui me suivent. Je n'ai pas encore fait bien les statistiques, mais je crois qu'il y a une bonne majorité, c'est des Gabonais. Donc, pour répondre à votre question, comment donc créer cette représentation? Il ne s'agit pas d'une représentation politique, s'il vous plaît, parce que je suis suivi par mes frères politiques et tout. Il s'agit d'une représentation pour l'idée que j'ai lancée en 2017, c'est-à-dire, c'est un projet qui, plus tard, sont arrivés aux oreilles du chef de l'État gabonais. Souvenez-vous qu'il a créé un groupe qui ne correspond peut-être pas dans les mots appropriés. Il a créé un groupe intitulé Centre ou Organisation de la Culture Gabonaise ou quelque chose comme ça. Mais je vous dis que l'un de ses conseillers me suivait de près ce jour quand je parlais de l'ouverture au Gabon d'un grand temple du savoir. Et ce temple du savoir, c'est un vieux projet même que l'un de mes aînés, malheureusement, qui nous a quittés, voulait mettre en place. Et c'est un projet qui date des années 60, car l'un de mes oncles, quand je parle de mon oncle, ce n'est pas de l'usurpation de titre. Il est bel et bien parenté à moi. Il s'appelait le prince Birinda. Le prince Birinda, dans ses écrits dont je suis rentré en possession, parlait justement de l'objectif de faire du Gabon un grand centre. Peut-être ce serait trop rêvé parler d'un centre mondial, puisque au cours de mes voyages en Inde et des maîtres avec qui j'échange en Inde, auprès de qui j'ai reçu des grandes initiations, ils m'ont dit le Gabon, non seulement de par sa position géographique, 0 degré sur l'équateur, c'est le grand centre mondial de tous les pouvoirs mystiques. Les gens négligent cela. Alors, c'est inspiré des idées du maître, du prince Birinda, de ces grands maîtres de l'Inde et des quelques frères gabonais que je suis de près également, qui sont plus avancés que moi dans la connaissance. Et inspiré également par les grandes connaissances de mon grand frère, qui m'a inspiré également, le maître Atomori Benga, Donc, armé de ce résumé de tous ces mecs-là, je me suis dit, tiens, il faut ouvrir un grand fonds. Beaucoup ont eu peur, beaucoup ont été détruits mystiquement. Mais le petit poids magique, le petit poids mystico-spirituel que j'ai, personne ne pourra oser me détruire et m'arrêter pour cela. Parce que j'ai dit aux gens, ce n'est pas de l'audace, ce n'est pas de l'orgueil. Je communique avec la mère du Gabon. Le Gabon que vous voyez est gardé par une mère, une femme. Mais malheureusement, nos frères religieux ont dit que c'est une femme diabolique, c'est une erreur. C'est elle qui garde les pouvoirs du Gabon. Et celui qui réussira à la dompter, celui qui réussira peut-être pas à la dompter, mais qui réussira à rentrer en communion avec elle, car c'est elle qui détient tous les pouvoirs que vous voyez en face de la présidence, que le commandant Cousteau, avait vu. Et après avoir vu ça, vous savez ce qui lui arriva lorsqu'il est retourné en France. Je ne dis peut-être pas que c'est ça qu'il a tué, mais Dieu seul sait. Et ce sont ces pouvoirs que même le vieux Omar Bongo de son vivant n'arrivait pas à maîtriser. C'est ce même pouvoir de cette mère que vous avez vu nos femmes d'une djembe lorsqu'elles avaient débarqué à la présidence dans les années 92-93, qu'Omar Bongo a failli mourir, heureusement qu'il avala son orgueil. C'est cette mame, c'est cette mère qui contrôle tous les pouvoirs du Gabon. C'est cette mère qui maîtrise le symbole que vous voyez sur le premier passeport gabonais, que les Gabonais ont osé enlever, les autorités gabonaises. C'est cette mère, je vous dis bien, quiconque réussira à être un avec cette mère, quelles que soient les bricoles que n'importe quel sorcier, ni marabout ne pourra pouvoir maîtriser cette mère. Mais les gens la négligent, les gens l'ont diabolisée. Et c'est inspiré également par elle, au cours de mes grandes méditations, du mois de juin de 2011, lorsque j'étais au Gabon, elle m'a dit la même chose. Et je gardais le silence. Maintenant, je viens vous le dire au public. Que oui, mon objectif, c'est de créer un grand temple du savoir au Gabon. J'ai même donné le plan de ce grand temple que nous devions créer, dont le coût est autour de 2,4 milliards. Ce n'est, je vous avais bien dit, et je le répète, que ce n'est ni l'État gabonais qui donnera cet argent. Ce n'est pas l'État gabonais. Mais il y a des gens qui sont prêts à financer. Et ce grand temple va justement rassembler toutes nos grandes connaissances que nous pouvons mettre, à la connaissance, nous pouvons mettre à la disposition de tous les Africains. Et là-dedans, je me suis déjà associé avec mes frères pygmées du Gabon. Je me suis associé avec certains frères Mitsogo et Bapindji. Je me suis associé avec les grands maîtres du Bouété d'Izumba, du Bouété Ngondé et de Bouitindia. Voilà. Et là, je discute avec un frère du Bouiti Misoko. Nous avons également un contact. Donc, j'ai le soutien. Alors, chers jeunes frères, vous qui me dites pourquoi, comment faire pour avoir une représentation au Gabon. Mais prenez l'initiative, manifestez-vous dans le forum, faites-vous connaître et que les autres frères gabonais se connectent avec vous. Si vous êtes à peu près 100 Gabonais, 1000 Gabonais, et que vous êtes prêts à me faire venir, ici, c'est peut-être seulement 8 personnes qui m'ont fait venir. Qui, je vous informe, qui ont dépensé pas moins de 15 000 dollars, l'équivalent à peu près de 8 millions de francs CFA. Ils ont dépensé pour me faire venir. Ceci inclut la logistique, la maintenance, tout ce qu'il faut pour me mettre à l'aise, et tout ceci et cela. Est-ce que je vais vous demander cela? Non, le Gabon, c'est mon pays. Je suis né au Gabon. Et je vous dis que je fais tout ceci, c'est pour préparer le chemin du Gabon. Ce grand temple verra le jour. Si la mère dont je parle, et je garde le secret de son identité, celle qui garde le Gabon, et dont quelques sorciers qui habitent la Sablière ont déjà vu, ont tenté de voir, mais certains sont morts. Si cette mère me donne l'autorisation et continuera à me bénir, je vous dis, ce grand temple verra le jour. Alors, commencez déjà à préparer le chemin. Une grande représentation au Gabon, comment le faire? On n'a pas besoin d'une grande représentation. Même si vous êtes 10 personnes, même 20 personnes, et vous dites, vous parlez de 30 000 francs CFA, même si c'est 10 000 francs CFA à chacun, vous commencez à cotiser. Je vous dirai combien le coût de billet coûte, le billet d'avion coûte, je viendrai, vous me payez le billet d'avion. Si vous êtes limité par les moyens, comme je sais la réalité du Gabon, je ne veux pas vous exiger de me faire loger dans un hôtel. Je ne vous exige pas de me faire vivre dans un hôtel comme un hôtel de 5 étoiles là où je suis, non. Je ne vous demande pas cela. Il y a des maisons au Gabon. Il y a des familles qui sont prêtes à me recevoir. Moi-même, j'ai laissé des maisons au Gabon. Pas plus de deux, bien sûr. Il y a une qui est à Gamba, l'autre à Port-Gentil. Mais à Libreville, il y a des gens qui sont prêts à me recevoir. Donc, seule chose, préparer le billet d'avion. Je ne veux pas vous demander des sommes d'argent. Comme mes amis qui m'invitent ça et là, en France, ils ont dû taper la poche, ils ont payé. En Tanzanie, ils vont payer beaucoup d'argent. Ce sont eux qui m'invitent. Mais ça, c'est mon pays, le Gabon, je ne vais rien vous demander, s'il vous plaît. Payez seulement le billet d'avion, rassurez-vous de ma protection physique, naturellement. Vous n'avez pas besoin de ma protection, de me faire ma protection spirituelle. D'accord? Et je viendrai. Et voilà quelqu'un qui vient de dire, ça viendra et ça verra le jour. Oui, ce sera fait, rassurez-vous. Mais préparez-vous. Faites-vous connaître dans les forums là. Le forum Oka. Le forum Oka Afrique, manifestez-vous. Le forum Oka Maroc, manifestez-vous. Parce que la majorité des gens qui sont dans le Oka Maroc, c'est des Gabonais aussi. C'est des jeunes étudiants. C'est des étudiants gabonais. Mais qui, pour des raisons personnelles, se retrouvent là-bas. Ils fuient pour des raisons d'études et pour le système politique qui nous dépasse. Mais ça ira. Je suis confiant que les choses du Gabon vont changer. D'accord? Je ne vais pas vous faire une prophétie sur le Gabon, mais ce que je sais, c'est que les choses changeront. Ça ira. Je ne me décourage point. Et que mes hommes, mes adversaires politiques ne m'en veulent point. Et d'ailleurs, beaucoup me suivent, ils sont abonnés ici. Certains me demandent des services. Donc, je ne suis pas pour la politique de division ou de haine. Mais je suis, j'ai des idées politiques que j'aimerais, moi aussi, proposer au peuple gabonais, sous couvert des personnes qui vont se présenter candidats, si je ne me présente pas. Mais ce n'est pas, je n'en ai pas l'intention pour le moment, s'il vous plaît. Je le répète que, oui, s'il faut parler des moyens, je les ai. Suis-je prêt? Je vous dirai oui, je suis prêt. Mais, juste à la dernière minute, je préfère d'abord regarder les choses, comment ça se passe. Mais pour le moment, soutenez-moi dans le projet spirituel pour mon pays, le Gabon. Faisons tout pour que le Gabon devienne ce grand centre dont le prince Pierre, prince Birinda rêvait. Dont ce monsieur, dont son fils est l'un des chargés des études au CIRM, au Centre de Recherche de Franceville, mais je ne vais pas citer son nom parce qu'il ne m'a pas donné l'autorisation de citer le nom de son père. Son père, qui était un grand maître du Bouété, du Zumba, avait un projet pour le Gabon et bien d'autres personnes. Et moi, je viens faire revivre ce projet. Les Indiens en parlent. Les Amérindiens ici aux États-Unis, quand j'ai reçu mon initiation, m'ont parlé de cela. Comment d'autres personnes qui ne sont pas du Gabon parlent de l'importance du Gabon dans le plan mystico-spirituel, mais nous, on néglige. Alors rassurez-vous, ce sera fait. Donc voilà la réponse que je peux vous donner. Comment alors faire la représentation? Organisez-vous, il y a les forums qui sont là, préparez-vous, et puis parlons, communiquons. Donc cette fois-ci, mes amis là-bas, je crois qu'ils ont fini là. J'ai pris près de 40 minutes. Ça c'est, il y a quelqu'un qui normalement vient me faire signe. Voilà, il y a la dame là-bas qui me fait signe que c'est bon, je peux maintenant partir. Alors, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Donc, voilà la réponse que je donne par rapport à la situation mystico-spirituelle ou par rapport au temple et par rapport à la représentation au niveau du Gabon. Merci beaucoup. Soyez tous bénis. Bonne soirée et bon week-end. Peut-être demain, je ferai un petit live au passage. Demain, c'est quand même samedi. Mais d'ici là, portez-vous bien. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder sur l'écran. L'univers envoie toujours les personnes. Ok, merci beaucoup. J'ai une question. D'accord. Si quelqu'un, avant de s'endormir, demande à Dieu et aux bons ancêtres de l'éclairer sur son chemin, puis ensuite, dans son sommeil, il se retrouve devant une dame habillée. Bon, écoutez, ce n'est pas un rêve. Je ne suis pas très bon dans les histoires des rêves, mais ce que je peux vous expliquer, c'est que lorsque vous priez, sachez que la prière est un acte magique. La prière est une forme de communion intime avec le monde invisible. Dieu ne se manifeste jamais. Celui qui va vous dire qu'il a vu Dieu, c'est un menteur. Même Moïse, dans ses écrits, quand il dit qu'il a vu Dieu, ce n'est pas Dieu qui l'a vu. Personne ne peut voir Dieu. D'accord? Donc, quand vous priez Dieu et vos ancêtres et que c'est une dame qui se présente à la place, quel droit de connaissance, quel droit de coïncidence quand je vous parle que le Gabon est gardé par une maman. Bien. La dame que vous voyez, ce n'est pas au sens propre qui vous le considérez. Car la femme, c'est le symbole de la connaissance, c'est le symbole de l'éveil, de l'élévation spirituelle. Dans toute forme d'initiation, qu'elle soit africaine ou blanche, vous verrez que souvent, voilà la raison pour laquelle même dans la franc-maçonnerie, on avait peur d'introduire les femmes dans les rites maçonniques. Mais ils ont été acceptés à partir de 1990 au niveau de la France. Mais au niveau des États-Unis, ils ont été acceptés un peu plus tôt. Nous avons des loges vertes qui sont managées par les femmes, des loges bleues qui sont managées par les femmes. Mais pourquoi cette crainte? Parce que la femme, quand elle se lance dans la voie initiatique, boum, elle s'éveille avant l'homme. On va vous mettre ensemble un homme et une femme, la femme va voir les esprits avant vous. Et depuis la nuit des temps, la première femme que Tete Mwanga a créée pour le premier homme Adam s'appelait bien Lilith. Tout le monde le sait, même dans nos traditions, mais elle porte un autre nom. Vous discutez avec un arabe, il vous confirmera. Vous discutez avec un juif, et d'ailleurs ce sont les juifs qui m'ont appris cela. J'ai douté, mais après je suis allé vérifier à travers mes initiations. Donc, et quand j'ai la confirmation que la personne qui nous garde le territoire de tout le Gabon et dans toute la zone d'Afrique centrale, c'est une femme, alors j'ai tout de suite compris donc, que la femme joue un rôle très important. Donc la femme que vous rêvez symbolise simplement l'éveil de votre conscience divine. Ça veut dire que votre éveil de l'esprit, vous continuez à faire le travail que vous faites, continuez à faire la forme de prière que vous faites, et c'est ça mon objectif, c'est d'encourager les gens. Continuez à le faire et n'ayez point peur. Vous verrez qu'elle va se manifester, mais à un moment donné, c'est une autre personne qui va se manifester à la place. Car la femme symbolise, je le répète, la femme symbolise la personne qui vous ouvre le chemin pour venir, pour aboutir à Dieu. D'accord? Renseignez-vous auprès des bouddhistes, ils vous diront que la première personne qui apporta la connaissance du bouddhiste, c'est une femme. Donc la femme symbolise l'ouverture de la conscience divine supérieure. Bon. Alors, vous avez une question pour faire quoi? Pour intégrer les forums du Maroc. À la fin de cette vidéo, rentrez, appuyez votre téléphone Android à la droite et vous verrez. C'est là. Et vous allez rentrer. Bon, je ne sais pas si c'est les questions que vous me posez ou quoi, je ne sais pas à la fin. Donc voilà. La femme symbolise beaucoup de choses. La femme symbolise la connaissance. La femme symbolise l'éveil de l'esprit. La femme symbolise l'ouverture des chakras. La femme symbolise tout, partout, dans toutes les grandes sociétés traditionnelles, on prendra toujours la femme comme symbole de l'éveil de la connaissance. Bien, j'en ai terminé. Et je vous souhaite une bonne soirée, comme je le disais. Voilà, mes amis sont prêts et je vais vous quitter. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Comme je disais, que peut-être demain, je ferai un petit live. Je vais répondre à certaines questions. Merci bien encore et bonne soirée.